Thank you. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. C'est quoi Dieu? Mais c'est quoi Dieu? Bah, tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose et que tu fermes les yeux et que tu fais un vœu, Dieu, c'est celui qui s'en fout.